J'espère que tu vas bien. Que la vie t'apporte ce qu'elle a de mieux au quotidien. Bref, que tu es heureux, mais que tu te souviens quand même de nos délires d'enfants, frères de sang. De la grande roue, on en est sorti indemne. Mais tu me manques tant. Moi j'espère que tu es mort et que ton corps a plus sous la terre. Que tes yeux ont fini sur ta peau et que tes os sont jetés par les vers. Tu sais, j'aimerais aussi un jour voir tes enfants. Ça me toucherait vraiment et de se présenter les miens qui ont tellement grandi. Je sais, on est loin, mais peu importe, mon ami, peu importe, mon pote. D'un ami et sa capacité à vous décevoir. La déception profonde, la vraie, ne peut venir que d'un véritable ami. Je me souviens, tu sais, je me souviens très bien. Je me souviens que du jour au lendemain, je me suis retrouvé seul, comme un clampin aéré sur les routes. Pas un sou que des doutes, je sentais que je cédais, mais je demandais qu'on m'aide, et personne n'est venu. Et toi, où étais-tu? Où étais-tu?